des hommes épris de vengeance. Je ne l'ai pas vu dans nos guerres, quelquefois pas dans nos prières, m'implorant un peu de chance. Je ne l'ai pas vu souvent dans une main tendue cherchant à se mettre en lumière dans le flou qu'on tolère. Mais je l'ai vu là où des hommes à genoux demandent pardon et à bout ne pas croire en sa présence. Et je l'ai vu loin des villes, des cathédrales, là où que je pense à lui, je sens dingue.